que avait l'envie aller. Que faire sourire ou envie pleurer. Serrer mes avoirs dans ton moins. Pour nous avancer ensemble, ensemble. Mais y'a pas parce que nous aimons nous. On doit oublier sa moyenne. Qu'on est la journée et l'ennui. Moi ni défaut en moi aussi. Moi c'est en homme seulement. Moi pas bon Dieu non non. Moi c'est en homme seulement. Prends-moi j'en moi y passe. Moi c'est en homme seulement. Pas essayer changer. Moi c'est en homme seulement. En homme seulement. De l'air ou qu'à sourire bon moi. Et sa belle console est carrévée. La vie trop coûte pour gaspiller. Pas laisser trop s'amarrer nous. Les amis qui viennent par les bas. Songez ces couteaux, celles qui savent. Si c'est vrai, c'est moi ou choisi. Tant pis, s'il vous plaît, pas oublier. Moi, c'est en homme seulement. Moi, pas bon Dieu, non, non. Moi, c'est en homme seulement. Prends-moi, j'en moi y passe. Moi, c'est en homme seulement. Pas essayer changer. Moi, c'est en homme seulement. Oh, oh, oh. Prends-moi cette tendresse, dans cette tendresse en moi. Et on pas perdu ça. Que faire?